France Inter. Et à 8h55, François Morel, à vous. Il n'y a pas de nécessité à ce que toutes les villes s'uniformisent. Il n'y a pas d'injonction à ce que toutes les villes s'enlaidissent, comme ces hôtels de luxe reproduits à l'identique de Paris à New York en passant par Hong Kong ou Singapour, destinés à rassurer des hommes d'affaires soucieux de retrouver des repères dans leur vie bousculée. Les villes ont tendance à vouloir toutes se ressembler. Même panneaux publicitaires, même mobilier urbain, même enseignes bancaires et immobilières. Comme si ce qui ne faisait pas tout l'intérêt d'un hôtel, d'une rue, d'une ville, d'une pierre, d'un galet, d'un paysage, d'une tarte aux abricots, d'un Claude Askolovitch lisant le journal ou hurlant du Fréhel en battant des bras comme un moulin épileptique, ce n'était pas sa singularité. C'est un hymne khazar. Peut-être pas d'une tarte aux abricots, c'est quand même mieux de suivre la recette, surtout si on n'a pas spécialement de talent culinaire, mais pour le reste, peut-être pas d'un Claude Askolovitch dont le projet de récital hommage à Fréhel et pour le moment heureusement reporté s'inédié, mais pour le reste je suis d'accord avec moi, ce qui n'est déjà pas mal, la singularité c'est le bonheur de la vie. Aujourd'hui 10 juin 2022 à 19h, un événement culturel a lieu, où ça ? À Saint-Gratien, Val d'Oise, boulevard de la République, au niveau de l'hôtel de ville, puisque sera inaugurée une œuvre commandée par la ville et réalisée par Jacques Villeglay, le plan de Saint-Gratien. Jacques Villeglay, connu pour ses lacérations et son alphabet sociopolitique, est né à Quimper en 1926. Il devait être là en personne ce soir, mais il est mort il y a 3 jours. On ne peut pas faire confiance aux artistes. À l'âge de la reine d'Angleterre, du haut du perron de l'hôtel de ville de Saint-Gratien, entouré de Julien Bachard, le maire, de Karine Berthier, adjointe au maire délégué aux affaires culturelles, de Jacqueline Eustache-Brignaud, maire honoraire et sénatrice du Val-d'Oise, de la sémillante Karine Roma-Clément, directrice artistique du projet, Jacques Villeglay en personne devait saluer la foule nombreuse qui serait venue l'acclamer en criant « God save Jacques Villeglay ». Mais God en a décidé autrement et c'est un hommage qui sera rendu à l'artiste qui déchirait. 19h ce soir, inauguration de l'œuvre de Villeglay. Ceux qui l'aiment prendront le Transilien ou le RERC. Pourront le prendre également les jours suivants puisque l'œuvre sera toujours là devant l'hôtel de ville et pourront même en profiter pour aller voir une belle exposition. Où ça ? À l'espace Jacques Villeglay, justement, qui ces dernières années a déjà exposé Ernest Pignon-Ernest, Di Rosa, Favier Alechinski, Jean-Pierre Renaud, Les Chapelets, plein d'autres, en plus de Jacques Villeglay. Place François Truffaut, juste à côté du cinéma L'Étoile, dans l'espace Jacques Villeglay, puisque la ville de Saint-Gratien a déjà eu la bonne idée de lui rendre hommage de son vivant, comme de son vivant bientôt dans votre ville, embellie par les artistes. Claude Askolovitch reprendra son spectacle à ne pas rater. Claude Askolovitch chante Fréhel, Damia et Colette Deréal. C'est parti. Où sont tous mes amants, tous ceux qui m'aimaient tant, Chalice, à toi mon grand. Merci Claude et merci François Morel et surtout un joyeux anniversaire François. On vous retrouve François sur la scène du Théâtre du Rond-Point dans votre spectacle Tous les marins sont des chanteurs jusqu'au 26 juin. France Inter.